بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Une sœur qui fut interrogée concernant le voile. Le voile concernant la femme qui travaille et dont son employeur est un croyant. Comment fait-elle ? Et donc la personne qui a répondu à cette question a répondu en disant que la femme qui travaille, elle va attacher un bout de tissu sur sa tête, elle met un bout de tissu sur sa tête, bon, elle couvre ses cheveux. Et cela lui suffit parce que nous ne sommes pas dans un pays musulman. Et c'est cette réponse qu'on va commenter ce soir, Inch'Allah ta'ala. Et donc on commence cela en disant, Barakallahu fikoum, il est préférable. Il aurait été préférable pour cette femme qui a parlé, qui a émis cette fatwa, de dire qu'elle reconnaît sa faiblesse et qu'elle reconnaît ses péchés. Si c'est ce qu'elle fait ou qu'elle faisait, et qu'elle l'a fait parce qu'elle est faible. Puis elle implore Allah tabaraka wa ta'ala de la guider à appliquer ce qui est dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qui aurait dû être fait. Par contre, le fait de recommander aux gens de faire ce qui est contraire au Coran, à la Sunna et à l'unanimité des musulmans, alors ceci est de l'ignorance profonde et de l'égarement, et on rajoute à cela un mauvais comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal, il nous dit dans son livre, « Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan » والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dis certes, mon Seigneur a interdit les turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées, le péché, la transgression sans droit, et que vous ne lui accordez et que vous accordiez à Allah tabaraka wa ta'ala quelconque associé sans qu'il n'en fasse descendre aucune preuve. Et que vous disiez d'Allah, donc il a aussi interdit que vous disiez d'Allah ce dont vous n'avez aucune science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans son livre, il dit dans sa sunna, « Man da'a ila dalala, kana lahu ismu man tabi'a. » لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Celui qui appelle à un égarement, il aura alors le péché de tous ceux qui l'ont suivi, sans que leur péché à eux ne soit diminué en quoi que ce soit. Ô chers frères, ô chères sœurs, nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala lorsque nous parlons de sa religion. Le sujet est grave, le sujet est lourd, c'est un sujet de paradis ou d'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, « Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik, wa banatik, wa nisa'il mu'minin, yudnina alayhinna min jalabibihin. » ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, ainsi qu'aux femmes des croyants, qu'elles rabattent sur elles leur grand voile. Cela sera plus propice à ce qu'elles soient reconnues et qu'elles ne subissent pas d'injustice. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit dans son tafsir, « La yuzhirna shay'an, minezinati lil ejenibi illa mela yumkinu irfa'uhu. Ibn Kathir rahimahullah, il dit dans son tafsir, elle ne laisse rien apparaître de leurs atours. Elle ne laisse rien apparaître de leurs atours aux étrangers, sauf ce qu'il n'est pas possible de cacher. Et donc, ô chers frères, barakallahu fikoum, ô chères sœurs, le sujet est important. Ici, on parle de la religion d'Allah. On n'est pas en train de parler d'une société ou autre. On parle de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, la femme qui a émis cet avis juridique, cette fatwa, en réalité, aura menti sur Allah, tabaraka wa ta'ala. Et aussi a menti sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans son livre, قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Certes, ceux qui inventent le mensonge sur Allah ne réussissent pas. Et donc, est-ce que cette personne qui a parlé, qui a dit cela, que la femme, il lui suffit donc de mettre un morceau de tissu sur sa tête et elle va au travail, ma'alish, c'est pas grave, etc., etc. Quand est-ce qu'on va apprendre aux gens le tawhid? Quand est-ce qu'on va apprendre aux gens à craindre Allah Azza wa Jal plus que les êtres humains, à craindre le Créateur plus que la créature? Quand est-ce qu'on va apprendre et quand est-ce qu'on va enseigner aux gens de placer leur confiance en Allah? Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, alors Allah lui remplace par mieux que cela. Et donc voilà ce qu'on doit dire à nos frères et à nos sœurs. C'est pas que les sœurs, mais aussi nos frères qui sont éprouvés par un employeur qui ne veut pas les laisser prier ou autre. On va lui dire, ya akhi, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, tu délaisses ça pour Allah, ne t'inquiète pas, fais confiance à ton Seigneur, il t'accordera mieux. Place ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qu'on trouve dans les textes de la législation. Mais on ne trouve pas dans les textes de la législation, il faut obéir, et il faut désobéir du moins à Allah et obéir à la créature. Même le gouverneur, je ne parle pas du patron d'entreprise, je parle même le gouverneur musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle, il nous dit concernant le gouverneur musulman, alors si celui-ci ordonne d'accomplir un péché, fais la sam'a wa la ta'a. Alors là, on obéit, on n'écoute pas et on n'obéit pas. Là, c'est concernant le gouverneur musulman. On ne parle pas du chef d'entreprise ou de l'employeur. Et donc, les textes de la législation n'appellent nullement à ce qui a été dit dans cette fatwa. Et donc, est-ce que cette personne qui a prononcé cette parole, est-ce qu'elle a la capacité de ramener ne serait-ce qu'un avis d'un seul savant qui autorise et qui permet que la femme sorte au travail sans son voile sous prétexte que son patron n'est pas musulman, sous prétexte que son employeur ne soit pas musulman? Est-ce qu'il y a un savant qui dit cela? Et si on regardait ne serait-ce que dans les 4 écoles, est-ce qu'il y a une seule qui dit cela? Et donc il est important, barakallahu fikoum, de ne pas parler de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans science. Ceci n'est pas un jeu, mais c'est un sujet de paradis ou d'enfer. Et donc par Allah, ce qui a été prononcé dans cette fatwa, dans cette parole, est un égarement, une déviance. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que les personnes qui vont émettre ce genre d'avis juridique, inventé, innové, sont les mêmes qui vont aussi prétendre organiser la da'wa pour les femmes. On veut prêcher les femmes, on veut faire de la da'wa pour les femmes, etc., etc. Enfin, comment on fait de la da'wa sans science? Comment est-ce qu'on fait de la da'wa alors que on n'a pas de bagage. C'est pas un sujet. Là, je ne parle pas de femmes ou d'hommes. Attention. Il faut bien comprendre ce que je dis. Je ne parle pas de femmes ou d'hommes. Lorsque Jamin a tout tabli, ils sont venus ici des hommes, on leur a dit non. On leur a dit ce que vous faites n'est pas correct. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas étudié. Vous n'avez pas de connaissance de votre religion. Vous allez appeler les gens à quoi? Allah tabaraka wa ta'ala le dit clairement dans son livre, Kul hadhihi sabili. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Ana wa mani taba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin. Dis ceci est ma voix. J'appelle à Allah. Ah, maintenant on parle de da'wah. J'appelle à Allah, je fais la da'wah. Ala basiratin, avec clairvoyance. La clairvoyance, c'est plus que la science encore, comme le disent les savants du tafsir. C'est la science et c'est aussi la connaissance, le fait de savoir comment transmettre la science. Et donc, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam muslim, il cite dans son sahih, d'après Abu Dharr, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhu, il a demandé au messager d'Allah, Ya Rasulallah, ela tasta'amiluni? Ô messager d'Allah, ne me nommerais-tu pas comme un responsable? Hein? Puisque les gens aiment avoir des postes à responsabilité. Ils veulent s'occuper de la da'wah, ils veulent s'occuper de si, on veut s'occuper des mosquées, on veut s'occuper de... Hein? On aime avoir des postes à responsabilité. Et donc Abu Dharr pensait pouvoir assumer cela. Un compagnon, ce n'est pas n'importe qui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi Abu Dharr? Il dit « Fait daraba bi yadihi ala man kibi ». Alors il m'a frappé à l'épaule de sa main. Summa kol, ya Abu Dharr, innaka da'if. Subhanallah. Il lui a dit, oh Abu Dharr, tu es faible. Il lui a dit, oh Abu Dharr, tu es faible. Wa innaha amana. Et ceci est un dépôt, c'est une responsabilité. Wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama. Et au jour de la résurrection, celle-ci, c'est-à-dire cette responsabilité, sera avilissement et regret. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Écoutez bien ce qu'il dit. Il a cité deux conditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf celui qui la prend, c'est-à-dire sauf celui qui va prendre cette responsabilité de droit. Il prend cette responsabilité de droit. Et aura assumé ses responsabilités. Ça veut dire non seulement, effectivement, tu mérites de prendre la responsabilité. Et en plus de ça, une fois que tu prends cette responsabilité, il faut l'assumer. C'est pas une fois que tu as pris la responsabilité, c'est bon, khalas. Tu te tais lorsque tu vois un péché, tu te tais lorsque tu vois une déviance, tu laisses les gens faire comme ils veulent, etc. Non, tu dois assumer. C'est une responsabilité devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à Abu Dharr. Et il lui a dit, innaka da'if. Tu es faible. Dans une autre narration citée dans le recueil de l'imam muslim encore, il lui dit, inni uhibbu lak ma uhibbu li nafsi. J'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Je suis sincère envers toi. Et donc lorsque nous on s'adresse à ce genre de personnes, ces personnes qui se permettent d'émettre des avis juridiques alors qu'elles n'ont pas étudié, on leur dit, on veut pour vous ce qu'on veut pour nous-mêmes. Wallahi, on veut pour vous ce qu'on veut pour nous-mêmes. On veut le paradis pour vous comme on le veut pour nous-mêmes. Arrêtez de vous confier des tâches que vous ne pouvez pas assumer. Vous vous faites du mal à vous-même et vous faites du tort à tous ceux qui vous suivent. Au jour de la résurrection, ce seront des regrets. Et donc nous devons craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc comment est-ce qu'un homme ou une femme qui n'a pas étudié la science légiférée puisse se permettre d'assumer la da'wah? Comment? Wallahi, le sujet est dangereux, oh chers frères. Je pose une question, qui est capable de monter dans un avion dont le pilote n'a pas étudié? Le pilote n'a jamais étudié, qui monte dans l'avion? Personne. Qui est capable d'aller voir un dentiste qui n'a pas étudié? Personne. Quel commerçant va confier sa comptabilité à un comptable qui n'a jamais étudié? Personne. Personne. Quel commerçant va faire ça? Comment est-ce que tu confies ton cœur, ta religion à une personne qui n'a pas étudié? Et c'est pour cela que, par honnêteté et par sincérité envers mes frères et mes sœurs en Martinique et ailleurs, je mets en garde les musulmans contre le fait d'assister aux assises, aux rappels, aux cours, aux leçons religieuses de tous ceux qui n'ont pas étudié, hommes ou femmes. Toute personne qui n'a pas étudié et qui donne des cours, tu te lèves, salam alaikum, et tu pars. Pour protéger ta religion, ceux qui ont étudié se trompent. Un médecin qui a étudié, qui a des années d'expérience, il va se tromper, parce que tout être humain se trompe. Une personne qui n'a pas étudié, mais comment elle fait? Comment elle fait pour assumer cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Inna Allah la yakbidu l'ilma intiza'an yantazi'uhu min sudouri rijal » Certes, Allah ne fait pas disparaître cette science en l'enlevant de la poitrine des hommes. « Wa inna ma yakbidu l'ilma bi qabdi l'ulama » Cependant, Allah enlève la science en faisant mourir les savants. « Hatta la yubqiya aliman wahidan » Jusqu'à ce qu'il ne laisse pas un seul savant. Alors à ce moment-là, les gens prendront pour leader des ignorants. Fasou ilou, qui seront interrogés. Fa'eftaou bi'ayri ilmin, qui vont émettre des avis juridiques sans science. Fa'dallou wa'adallou. Ils vont alors s'égarer et vont égarer les autres. Ils vont alors s'égarer et égarer les autres. Ibn Sirin, rahimahullah, il nous dit « Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum » Il dit Ibn Sirin, rahimahullah, « Certes, cette science est une religion. Alors faites attention de qui vous prenez votre religion. » Je sais que ces paroles ne vont pas faire plaisir à tout le monde. Mais comme je le dis à chaque fois, barakallahu fikoum, on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. On n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Et chacun dans son travail, dans sa fonction, le sait. Tu veux accomplir ta fonction correctement, tu n'es pas là pour faire plaisir à tout le monde. Tu es là pour faire ce qui est convenable. Certains ne seront pas satisfaits parce qu'ils n'aiment pas le travail qui est convenable. Peu importe, on dit la vérité par sincérité et honnêteté parce que nous aimons le travail qui est bien fait. Et nous voulons que la communauté musulmane avance. Méditez concernant le danger de ce péché. Une femme qui se convertit à l'islam, qui va participer à ce genre d'assises, où elle va entendre des paroles, des avis juridiques contraires au Coran, à la Sunna et à l'unanimité des savants musulmans. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver? Elle va se mettre à taxer d'extrémistes ceux qui disent, ceux qui vont suivre la parole d'Allah et la parole du messager. Subhanallah, les choses seront inversées. Elle se met à traiter d'extrémistes ceux qui suivent la parole d'Allah et la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est voulu ici, c'est que nous devons délaisser la parole d'Allah et délaisser la parole du messager d'Allah pour suivre la parole de qui ? Des ignorants. Wallahi, le sujet est grave. Le sujet est grave. Et si on ne se réveille pas aujourd'hui, j'ai peur que ce genre de maladie se propage dans la communauté musulmane. Car c'est une maladie. L'ignorance est une maladie qui doit être soignée. L'antidote de cette maladie, c'est l'apprentissage. L'antidote de cette maladie est l'apprentissage. Et d'ailleurs, les savants, ils disent, l'ignorance est une maladie mortelle. Hein? Il n'y a pas que la phlébite ou la drépanocytose ou je ne sais pas quoi. L'ignorance est une maladie mortelle. Demandez aux takfiris, aux terroristes, hein, si ce qu'ils font n'est pas mortel. Hein? Ce qu'ils font par ignorance. L'ignorance est une maladie mortelle. Regardez ceux qui vont se fouetter. Hein? Ceux qui vont se fouetter, ils se tapent le dos pour se rappeler la mort de Hussein, etc. L'ignorance est une maladie mortelle. Et donc il est important qu'on se soigne. Et on se soigne comment ? En apprenant notre religion. Et enfin, deux textes avant de finir, Inch'Allah ta'ala, l'imam Abu Daoud, il cite dans son Sunan, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Men uftiye bi ghayri ilmin » Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on donne une fatwa, celui à qui on donne un avis juridique sans science, le péché est à celui qui a émis la fatwa. Le péché est à celui qui a émis cet avis juridique. Crains Allah tabaraka wa ta'ala. Arrête de parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Tu te fais du mal à toi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Men kazabe aliyya fal yatabawwa maq'adahu min an-nar. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ment sur moi alors qu'il prépare sa place en enfer. Pourquoi le fait de mentir sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme le fait de mentir sur n'importe qui. D'ailleurs, il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. El kazibu alayya laysa kal kazibi ala ghayri. Le mensonge sur moi-même n'est pas comme le fait de mentir sur un autre. Pourquoi ? Parce que le fait de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela implique un jugement. Halal, haram. Et cela va impliquer que des gens vont suivre ce jugement qui est faux. Et donc nous devons faire attention, chers frères, et ne pas être la cause de la régression de la communauté musulmane. Et nous devons absolument rectifier ces problèmes, ne pas permettre aux gens qui n'ont pas de science ne pas leur permettre d'enseigner dans les maisons d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Car ce ne sont pas nos demeures. Ce sont les maisons d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et les seuls à pouvoir enseigner dans les maisons d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ce sont ceux qui ont étudié la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. On va arrêter là pour ce soir. Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.